إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du samedi 19 شوال 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 17 septembre 2011 بإذن الله تعالى. Donc, avant de commencer le programme officiellement, nous sommes, inshallah ta'ala, en train de lire certains intérêts, certains fawaïd de certains livres. Et nous avons commencé avec l'explication du Boulour al-Maram. Boulour al-Maram, c'est la réalisation du but. Boulour al-Maram, en français, la réalisation du but. Donc, de San'ani, rahimahullah, explication de Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Donc, nous sommes dans la deuxième partie. On va continuer, inshallah ta'ala. Donc, ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, donc nous sommes toujours au premier tome. Donc, vous écrivez avec moi en même temps le tome et la page. Et comme j'ai dit la fois passée, pour les personnes qui trouvent certaines fawaïd intéressantes, c'est bien de les noter. Comme ça, yani, vous pouvez revenir vers le tome et la page de cette faïda. Voyez. Donc, ici il est dit, لَمَّا بَعَثَ عَلِيُّ الْمِقْدَادَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن صهره بما يتعلق بأمور النساء. Le Cheikh Rahimahullah a cité ce qui s'est passé entre Ali ibn Abi Talib et Miqdad. Naam, radiyallahu ta'ala anhuma. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est en même temps son gendre. Il est son cousin en même temps son gendre parce qu'il est marié avec sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha. Donc Ali ibn Abi Talib avait un problème. Quel était son problème? Donc son problème c'était que il avait un petit problème, c'est-à-dire qu'il y a un liquide qui sortait beaucoup de son membre. Ce liquide, ce n'est pas le liquide qui donne les enfants, hein, c'est l'autre liquide. C'est le liquide qui s'appelle, si je ne me trompe pas, prostatique. C'est-à-dire que quand l'homme, par exemple, pense à son épouse ou bien joue avec elle ou bien, il y a un liquide qui sort de l'homme. Ce n'est pas le liquide qui vient après le rapport, mais c'est celui qui vient avant. Donc Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu avait un problème avec ce liquide qui sortait beaucoup de lui. Et bien sûr, à chaque fois il prenait ça. Alors il a décidé d'envoyer quelqu'un qui s'appelle Miqdad radiyallahu ta'ala anhu. Il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander comment on doit faire une personne qui a beaucoup ce liquide qui sort. Est-ce qu'elle doit, c'est-à-dire à chaque fois prendre sa douche, etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu que ce n'était pas obligé de prendre la douche, car ce n'est pas un rêve érotique, ni il a fait un rapport, mais juste que l'homme doit, dans ce cas, laver son membre et aussi les testicules. Ensuite, le Miqdad a rapporté ça, bien sûr, à Ali ibn Abi Talib. Et dans d'autres versions, il est cité que même Ali ibn Abi Talib était présent. Donc, le problème le concernait lui, mais c'est une autre personne qui a posé la question à sa place. D'ici, hein, ou de cette petite histoire, Cheikh Ibn Uthaymin a appris l'intérêt, ou a déduit l'intérêt que quoi? Que en islam, il n'est pas, disons, ou là, il est embarrassant en islam que quelqu'un parle avec son gendre. Avec son gendre. Non, que quelqu'un parle avec celui qui t'a donné sa fille, donc avec le beau-père, il est embarrassant de parler avec le beau-père, ou bien le beau-père avec son gendre, dans des choses qui ont rapport avec les rapports intimes et les parties intimes, etc. La preuve, c'est que Ali ibn Abi Talib, c'est lui qui avait le problème, mais il n'a pas pu lui poser des questions. Il n'a pas pu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, j'ai tel ou tel problème, mais il a envoyé quelqu'un. Muslim, est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdoulilah. Donc, ça se trouve au tome numéro 1, entre la page 219 et 245. Parce qu'hier, j'avais cité qu'il y avait 3 ou 4 fawaïd que j'avais oublié de citer le nom de la page. Donc, ça se trouve entre la page, comme je disais, 219 et 245. El-Mourim. Ensuite, maintenant, on commence avec les pages. Page 245. Maintenant, page 245. D'après Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, l'avis le plus juste, c'est que la femme qui a les métrorragies, doit commencer d'abord par se baser sur son habitude. Son habitude. C'est-à-dire, si elle a l'habitude d'avoir 6 jours de menstrues, maintenant qu'elle a les métrorragies, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque mois, du premier jour du mois, elle va quoi? Elle va ne pas prier pendant 5 jours. Si on a dit que c'est menstrué, c'est 5 jours. Si c'est 6 jours, 6 jours. Si c'est une semaine, une semaine. Et comme ça. Donc celle-là, c'est pour la femme qui a l'habitude. Une habitude, c'est-à-dire, ça veut dire qu'elle est réglée. Elle est réglée dans ses règles. Ses règles viennent toujours 6 jours, ou là, toujours une semaine, ou là, non, ça ne change pas. Maintenant, si elle est une nouvelle, elle vient juste d'avoir les règles pour la première fois. Dans ce cas, elle doit se baser sur tamiz en français, c'est-à-dire le discernement. Hein? Elle doit se baser sur le discernement et voir ce sang, est-ce que c'est un sang des menstrues ou bien c'est un autre sang. Et le sang des menstrues, vous savez que il a trois, disons trois spécifiques, trois ou quatre, plutôt quatre spécificités qui permettent de le reconnaître. Maintenant, si la femme n'a ni habitude dans ses règles, ni elle ne peut discerner. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Dans ce cas, elle reste 6 ou 7 jours, d'après 6 ou 7 jours, dans chaque début du nouveau mois. Donc, à chaque fois que c'est un nouveau mois, dans le début, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste 6 ou 7 jours, ensuite elle commence à prier. Tout à l'heure, quand j'ai dit que si. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, là. Non, quand j'ai dit tout à l'heure que celle qui a les métrorragies, non, les métrorragies en français, c'est sûr, mais c'était Hala, non, qu'elle devait commencer par voir si elle a une habitude, non? Donc si elle a une habitude, elle doit suivre l'habitude. Et l'habitude, ce n'est pas obligé qu'elle commence et année à chaque fois au nouveau du mois. Mais si elle a l'habitude que c'est le 15e jour qu'elle a les règles, donc à chaque fois le 15e jour, elle reste 4 ou 5 ou 6 jours d'après son habitude. Mais là, j'ai dit que si elle n'a ni habitude ni discernement, dans ce cas, elle reste 6 ou 7 jours à chaque fois au début du mois. Non, au début du mois. Maintenant, pour la femme qui a les menstrues et que quoi, ça c'est la page 246, et que des fois, un jour, elle est pure et un jour, il y a le sang. Un jour, elle est pure, un jour, il y a le sang. Le cheikh rahimahullah est d'avis que même le jour où elle est pure, c'est un jour de menstrues. Même ce jour-là, elle ne doit pas prier, ni quoi, ni jeûner. Pourquoi? Parce qu'elle est pendant la période de ses règles. Et pendant la période de ses règles, même s'il y a un jour ou deux où il n'y a rien, c'est pur, ça ne veut pas dire que les règles sont terminées. La preuve, elle n'a pas vu les pertes blanches, ou bien sa période n'est pas terminée. Donc, les jours où il n'y a rien, où c'est pur, pendant les règles, sont comptés comme jours de règles. À la page 277, à la page 277, toujours tome 1, يرجح الشيخ أن البول الخارج من المثانة عن طريق الأنبوب أنه ناقض للوضوء. À la page 277, le cheikh, n'am, dit que l'avis le plus prédominant, rajih, c'est quoi? Quand il dit rajih, c'est-à-dire qu'il y a divergence. Mais pour lui, là, il a choisi, il y a un avis. Il dit que l'avis le plus prédominant, c'est que l'urine qui sort de l'utérus, n'am, l'urine qui sort de l'utérus, à travers, disons, un tuyau. Disons un tuyau. Par exemple, des fois, la personne est malade, on lui fait rentrer un tuyau. Non, il ne peut pas, yani, par exemple, uriner par le biais de son membre. Peut-être qu'il est bouché, peut-être qu'il est enflé, peut-être. Donc, on va lui mettre yani, comme un tuyau, comme ça, pour qu'il puisse uriner. Il a dit, l'urine qui sort de ce tuyau, non, ça compte comme urine et par conséquent, ça quoi? Ça annule les wudu. La personne ne va pas dire je n'ai pas uriné par les parties génitales. Va dire par un tuyau. On va lui dire c'est la même chose. C'est la même chose car ce tuyau nan, est placé dans l'endroit qui permet d'uriner. À la page 283, une sonde. Voilà la sonde. Voilà, cherchez le mot la sonde. Barakallahu fik. Là, la personne qui a la sonde, quand elle urine, elle a annulé ses wudu. Nam. Jazakallahu khairan. À la page 283. À la page 283. Le cheikh dit, ou plutôt moi je dis, parce que c'est moi qui résume. Donc je dis, Ajaza cheikh al-dukhul ila al-hammam bil mushaf lil haja kal khawf min sariqatihi. Donc le cheikh rahimahullah est d'avis qu'il est permis de rentrer avec le Coran dans les toilettes. À condition quoi? Qu'il y ait un besoin. Il a dit, comme par exemple, on a peur de lui voler son Coran. Non. Des fois, ça peut arriver que la personne ait le Coran avec elle, un livre, ensuite elle arrive à un endroit, par exemple les toilettes publiques. Quand elle veut rentrer dans les toilettes publiques, il arrive par exemple que il n'y a pas quelqu'un pour lui laisser le livre. Et qu'elle a peur que si elle rentre aux toilettes et elle sort, on va lui voler son livre. Donc le cheikh a dit, quand on est dans un besoin pareil, il est permis de rentrer avec le Coran dans les toilettes, à condition bien sûr d'essayer de le cacher comme dans le mettre dans une poche, ou là dans un sachet, ou bien quelque chose comme ça. Et cheikh al-Albani rahimahullah, cheikh al-Albani rahimahullah, dans une de ses fatwas, il dit que c'est permis de rentrer, il dit même s'il n'y a pas de besoin. Vous avez remarqué, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, quand il y a un besoin, comme la peur que le Coran soit volé. Mais Cheikh Al-Albani a dit non, même sans besoin. Il a dit pourquoi? Il a dit car celui qui a le Coran dans sa poitrine, s'il peut rentrer avec le Coran dans sa poitrine, il peut aussi rentrer avec le Coran, naam, yani dans sa main. Il a dit, il n'y a pas de différence. Il a dit, parce que quand tu rentres dans les toilettes, tu as le Coran dans ton cœur, dans ta poitrine. Tu connais le Fatiha, tu as le Wallahu, tu as soit le Masjid, tu as soit le Baqara peut-être. Naam. Il a dit, et c'est permis. Il a dit, donc c'est la même chose. Le Coran ici, et entre deux, disons, deux feuilles, comment ça s'appelle, il a dit, c'est comme s'il était dans le cœur. Hadassi Sheikh Al-Albani. Amma Sheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, plutôt on doit rentrer quand il y a quoi? Quand il y a un besoin. Wallahu ta'ala alam que la parole et l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen est mieux parce que c'est plus prudent. C'est plus prudent. Non. Dans la page 261, 71, page 261. Alhamdulillah. Dis-moi, Mousseline, la semaine passée, avant de quitter le cours, je vous avais donné rendez-vous pour quel jour? Pour mercredi ou là pour samedi? Ou mercredi. Non. Donc, je vous ai dit mercredi car je croyais qu'on était samedi. Non, je croyais qu'on était samedi. J'ai dit donc le prochain cours c'est mercredi. Ensuite, quand je vous ai quitté, j'ai su que on était quoi? On était mercredi. Donc le prochain cours c'était samedi. C'est pour ça que j'ai mis sur le site que le prochain cours c'était samedi. Non. Donc on continue, inshallah ta'ala. On continue. Et si jamais je perds le micro, Muslim, si jamais je perds le micro, des fois, il m'arrive de ne pas lire. Il m'arrive de ne pas voir et aller sur l'écran. Donc si je perds le micro, prends carrément le micro et dis-moi, inshallah ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala. C'est plus prudent. Donc à la page 271, le cheikh a dit. En ce qui concerne le lavage du mort, il a dit, en ce qui concerne le lavage du mort, les savants ont dit que si le mort a 7 ans et moins, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 6 ans, 7 ans, pas plus, il a dit, ça, il n'a pas ce qu'on appelle de aura. Il n'a pas de aura. Il n'a pas de aura, ça veut dire que l'homme peut laver un homme et l'homme peut laver, disons, une fille. Et la femme peut laver une fille qui est morte et peut laver un garçon qui est mort. À condition quoi? Que le garçon ou la fille morte n'ont pas plus de 7 ans. N'ont pas plus de 7 ans. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas compris, pour que ceux et celles qui lavent le mort, hein, si le mort est un garçon ou bien une fille, qui ont 7 ans ou moins, 7 ans ou moins, il est possible à l'homme de laver la fille, une fille, même si elle est étrangère, et il est possible à une femme de laver un garçon. De laver un garçon. Ça. Le cheikh a dit, page 273. Le cheikh a dit, page 273. Car la faïda que je viens de donner, voilà, la faïda que je viens de donner sur le lavage du mort, c'était page 271. Maintenant, on est page 273. قال بعض العلماء إنه يرخص للصغير في مس المصحف عند الحاجة لأنه يشق أن نلزمهم بالوضوء وإذا كان هناك مشقة فإنه لا ينبغي إلزامه لأن من دون البلوغ قد رفع عنه القلم لكن يؤمرون ولا يلزمون. Quelque chose de très important. Le cheikh rahimahullah a dit, certains savants ont dit que on pouvait donner, on donne la permission à l'enfant. On donne la permission à l'enfant de toucher le Coran. Il veut dire sans wudu, de toucher le Coran, عند الحاجة, s'il y a un besoin, s'il y a un besoin. Il a dit, لأنه يشق, il a dit, car c'est un peu difficile, c'est difficile, un peu pénible, de leur dire qu'il faut faire le wudu. Donc s'il y a maintenant une difficulté, si c'est difficile pour lui, il a dit, on ne doit pas l'obliger à faire le wudu. Il a dit, il a dit parce que l'enfant, quand il n'est pas encore pubère, quand il n'est pas pubère, la plume n'écrit pas contre lui. Vous connaissez le hadith, la plume est levée sur trois personnes, entre autres, sur l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Il a dit donc un enfant qui n'est pas pubère, il a dit, on n'est pas obligé de lui imposer d'aller faire le wudu pour toucher le Coran. Il a dit surtout si on sait que, par exemple, ça lui devient difficile et que Alors que certains, bien sûr, certains enfants, yani, trouvent ça facile et vont vite faire le wudu. Et d'autres sont feignants, sont ceci, sont lourds. Donc cela, il a dit, on ne leur impose pas d'aller yani, faire le wudu. Ensuite, à la fin, il a dit, Lekin yu'marun wa la yulzamun. Écoutez bien cette phrase, une phrase très importante. Yu'marun wa la yulzamun. C'est-à-dire, on leur enjoint, on leur donne un ordre, on leur ordonne de faire le wudu, mais on ne les oblige pas. Vous comprenez la différence? Je lui ordonne. Quand je vois qu'il va toucher le Coran, je lui dis, va faire les ablutions. Mais je ne lui impose pas. Maintenant, s'il est allé faire les ablutions, alhamdoulilah, s'il ne les a pas fait ou là, il ne veut pas, je ne lui impose pas. Voilà la différence. C'est pas comme celui qui ne dit rien, il le laisse comme ça toucher le Coran, sans les ablutions. Moi je lui dis, ensuite s'il fait les ablutions, alhamdoulilah, s'il ne fait pas, il n'a pas d'idm. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pubère. Il n'est pas pubère. Mais au moins je lui apprends je lui apprends à ce que yani, il touche le Coran avec les ablutions. Je lui apprends pour qu'il commence à s'habituer comme ça jeune. Mais s'il ne veut pas, alhamdoulilah, je ne lui impose pas. Ça y est. Le cheikh dit à la page 574, à la page 574, il a dit, النهي إذا كان للتعبد فهو يفيد التحريم وأما إن كان للآداب بين الناس فهو للكراهة. Le cheikh a dit, quand il y a par exemple un nahy, c'est-à-dire disons une interdiction, un ordre de ne pas faire, un ordre de s'éloigner, qui vient par exemple de la charia ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on va voir cet ordre, est-ce qu'il a rapport avec les adorations ou bien il a rapport avec le bon comportement et yani, les coutumes entre les gens. Il a dit s'il a rapport avec les adorations, donc ça devient haram, c'est interdit car il a interdit une chose et cette chose a rapport avec la religion, comme la salat, la zakat, hajj, etc. Siyam. Mais il a dit, s'il nous interdit une chose, mais qui n'a pas rapport avec la religion, il a dit, donc ici on va dire c'est seulement makruh. On va dire, on va pas dire c'est haram, mais on va dire c'est seulement makruh. C'est comme un peu, par exemple, le nahy. Par exemple, le nahy où le prophète Sassan, par exemple, dit que, par exemple, on met pas de, c'est interdit, par exemple, de marcher avec un seul soulier. C'est un exemple. C'est interdit de marcher avec un seul soulier. L'interdiction ici, est-ce que ça a rapport avec la ibada ou bien ça a rapport avec le comportement de la personne? Si, ça a rapport avec la personne elle-même, c'est pas la ibada. Il a dit dans ce cas, donc on va dire c'est makruh. On ne va pas dire c'est haram. De toute façon, c'est une règle. Non. Page 577. Page 577. Le cheikh a dit, Rahimahullah, Kullu mashghoulin an huduri al-qalbi fi salat, fa innahu yubda'u bihi qabla salat. Ma lam yukhsha khuruju al-waqt. Je répète, كل مشغول عن حضور القلب في الصلاة فإنه يبدأ به قبل الصلاة ما لم يخشى خروج الوقت. Il a dit, toute chose qui nous distrait, ou qui distrait notre cœur dans la salat, toute chose qui va disons, va être une ombre dans mon cœur, entre moi et le khushu'. Va être une barrière dans mon cœur, entre moi et le khushu'. Dans la salat. Il a dit, toutes ces choses-là, je dois commencer par ces choses avant de commencer la salat. Sauf quoi? Sauf si j'ai peur que le moment de la salat se termine. Je donne un exemple. Salat al-Isha, par exemple, ça commence quand? Ça commence quand ça se termine Maghreb? Le Maghreb, quand est-ce qu'il se termine? Quand il y a plus le crépuscule, c'est tout noir autour de nous. Donc maintenant, le Maghreb est terminé, la Isha a commencé. La Isha a commencé, supposons qu'elle commence, c'est juste un exemple. Supposons qu'elle commence à 20 h. Et qu'elle se termine, vous savez que la Isha se termine au milieu de la nuit. Supposons qu'elle se termine à minuit, supposons. Donc j'ai 2 heures devant moi pour la Isha. Maintenant il est 20 h, c'est le moment de la Isha. Et, non, donc le moment de la Isha est rentré. Et il y a quelque chose qui yani, est en train de. Attendez, comment je cherche le mot? Tchouich, tchouich. Est en train, yani. Attendez, par exemple, attendez, je cherche le mot et je ne l'ai pas trouvé. Yani, je ne pense qu'à elle. Il y a une chose, je ne pense qu'à elle. Par exemple, c'est quoi? Par exemple, disons le manger. Et maintenant, on va déposer le manger. Et j'ai faim, et yani, mon nefs et mon cœur, etc., ne pense qu'au manger. Quand est-ce qu'on mange, j'ai faim, etc. Obsédé. Obsédé, peut-être c'est un peu yani, plus fort, c'est un peu trop fort. Mais disons, yani, c'est nature, je cherche le mot, disons, occupé. Occupé. Non, mon cœur est occupé de penser à telle chose. Le cheikh dit, on commence d'abord par cette chose, ensuite on fait la salade. On ne commence pas par la salade. Vous comprenez? Toute chose qui me préoccupe, voilà, cherchez le mot, me préoccupe, toute chose qui me préoccupe, de façon à, si je vais rentrer dans la salade et laisser cette chose, je ne vais pas avoir de khushu dans la salade et je ne vais penser qu'à cette chose. Le cheikh a dit, je commence d'abord par cette chose, ensuite, quoi? Ensuite, je fais la salade. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a une forte envie, par exemple, d'uriner. Il va dire, qu'est-ce que je fais? Je vais uriner ou bien je vais faire la salade. Il dit, allez, je vais faire la salade et après j'urine. Alors que, quand il va dire Allahu Akbar, il va être très gêné, il va être très gêné. Celui-là n'a pas le droit de faire la salade. Il commence d'abord par éloigner de lui le problème qu'il a avec l'urine, comme ça pour vider son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala dans la salade. La même chose, Cheikh dit, pour toute chose qui me préoccupe, je commence par elle avant la salade. Sauf, il a dit, sauf si quoi? Sauf si il ne reste qu'un moment pour que la salade sorte de son heure. Dans ce cas, classe. Je dois commencer par la salade, bien sûr. Sauf si, bien sûr, un cas, par exemple, vraiment fort d'urine, ou bien je veux aller aux toilettes, je ne peux pas me retenir. Dans ce cas, c'est normal que je commence par l'urine et par, disons, les grands besoins. Même si le moment de la salade sort, car c'est impossible de faire la salade avec ces choses pareilles. Ça y est. Vous notez si vous avez des questions, ou là, des problèmes, ou là, des choses que vous n'avez pas comprises. Ou là. Ça y est. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, c'est le tome numéro 2. On va rentrer dans le tome numéro 2. Le cheikh dit, Rahimahullah, Alladhi la yastati'u qira'at al-Qur'ani في الصلاة صديق الفاتحة فلينتقل إلى البدل الذي هو التسبيح والحمد والتهليل والتكبير بلغة المرء لأنه ذكر فيجوز بغير العربية. Page 22, c'est très important, surtout, ce qu'a dit Chéri, c'est très important, surtout pour les reconvertis. Ou alors, surtout pour les nouveaux reconvertis. Qu'a dit Chéri Ahmadallah? Il a dit, celui qui ne peut pas lire la Fatiha dans la salat car il ne la connaît pas, par exemple. Il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, celui-là, il va à ce qu'il y a à sa place. Qu'est-ce qu'il y a à la place de la Fatiha? Comme a dit le prophète, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait de dire, Subhanallah, ou Alhamdulillah, ou La ilaha illallah, ou Allahu Akbar. Mais, le plus intéressant ici, c'est que Cheikh a dit, il peut dire, yani il va à sa place qui est Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dans la langue de la personne. Très important, il a dit dans la langue de la personne. Dans la langue de la personne, ça veut dire s'il est français, hein, Subhanallah, il dit gloire à Allah. Alhamdulillah, il dit louange à Allah. Ensuite, tahlil. La ilaha illallah, il dit, il n'y a divinité qui mérite l'adoration qu'Allah. Allah Akbar, il dit, Allah est grand, et comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé qu'il dise ça en arabe. Déjà, il a des difficultés à prononcer l'arabe. Il a dit, cheikh, c'est permis donc de dire, subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, Allah Akbar, avec sa langue. S'il est français, il dit ça en français. S'il est anglais, il dit en anglais. S'il est hindou, il dit en hindou. Les ennahu, pourquoi? Il a dit parce que ça, c'est un dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, c'est un dhikr, ce n'est pas un Coran. Ce n'est pas du Coran. C'est pour ça qu'il a dit, c'est permis de dire ça, yani, avec une autre langue que l'arabe. Quant à al-Fatiha, ça ne se lit qu'en arabe. Quant à al-Fatiha, ça ne se lit qu'en arabe. Voyez, ça c'est important, ça, ce que je viens de dire. C'est pour ça c'est bien de noter, c'est dans le tome 2, page 22. Vous allez dire ça à quelqu'un, il va dire non, c'est pas vrai, qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Cheikh Ibn Uthaymeen qui a dit ça. Si toi, Naam, tu vas me dire, il n'y a pas de hadith qui dit qu'il peut dire en français ou là, je te dis, moi, quand je prends de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, au moins, j'ai pris de l'avis d'un grand savant. Allah Ta'ala a dit, donc si lui s'est trompé, c'est pas moi qui me suis trompé. Au moins, je n'ai pas choisi cette chose de ma tête. Je ne l'ai pas tiré de ma tête. C'est un grand savant qui a dit ça. C'est compris. Ça. Tandis que toi qui dis que c'est pas permis de dire, tu dis ta tête. Toi, est-ce que tu as l'avis, par exemple, d'un grand savant qui a dit que c'est pas permis de dire cette chose? Comprenez? Et maintenant, même s'il dit, il dit, j'ai un savant qui a dit que c'est pas permis de dire cette chose. Je lui dis, toi, yani, tu es convaincu de l'avis de ce savant. Ce savant n'a pas cité aussi un hadith. C'est un ijtihad, c'est un effort. Donc, tu n'es pas obligé de me forcer à suivre son avis. Comme moi, je t'ai pas forcé à suivre l'avis de celui que je suis. Un moyen. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici, chef? Non. Il a dit, dans la page, attendez si j'ai cité, non, page 105. Page 105. Il a dit, Dalil, la preuve, Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam yudhnib, la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des péchés. Qawluhu ta'ala, le verset, Wastaghfir li dhanbik, implore Allah. Implore le pardon pour ton péché. Le verset est clair. Il lui a dit, implore le pardon pour ton péché. Donc s'il ne faisait pas de péché, le verset n'aurait alors aucun sens. N'aurait aucun sens. Ensuite, il a dit, implore le pardon pour ton péché et pour celui, c'est-à-dire le péché, des croyants et des croyantes. Mais comme j'ai dit la fois passée, les messagers, les prophètes ne font pas les grands péchés. Ils font seulement les petits péchés. Ensuite, le cheikh ajoute, il a dit, Lakin mais les messagers ma'soumoun sont infaillibles. Min al-istimrar fi dhanb sont infaillibles et jamais ne continuent et jamais non de continuation dans le péché. Jamais les messagers non de continuation dans les péchés. Hey, c'est-à-dire que ils sont obligés de yani, faire la touba vers Allah subhanahu wa ta'ala, imma bintibah min anfusihim, ou bien parce que eux, ce sont eux yani, qui reviennent d'eux-mêmes vers Allah en remarquant qu'ils ont fait une faute, ou bitanbihin min Allah, ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur fait remarquer la faute. Bikhilaf sa'il mu'minin. Contrairement aux autres croyants, qui ne sont pas infaillibles, qui ne sont pas infaillibles et yani, continuent à faire yani, le péché, même si on leur fait remarquer le péché. On leur dit attention, ça c'est un péché. Yani, beaucoup continuent. Les prophètes, non. Dès qu'ils remarquent qu'ils ont fait un péché, par eux-mêmes, ou bien Allah leur fait remarquer, ils font vite la tauba. Ils font vite la tauba. Mais jamais les messagers ne font les grands péchés. Jamais les messagers ne font les grands péchés. Page 105. Page 114. page 114, le Cheikh Rahimahullah dit, Hunaka makhlouqat. Il y a des créatures, nam, khuliqat qabla as-samawati wal-ard. Il y a des créatures qui ont été créées avant les cieux et la terre. Il y a des créatures qui ont été créées avant les cieux et la terre. Mithl al-arsh, comme le trône, ou le qalam, et la plume. Et il y a d'autres créatures qui ont été créées après les cieux et la terre. Mithl al-jannah wal-nar, comme le paradis et l'enfer. Page 114. Donc, il y a des créatures qui ont été créées avant les cieux et la terre, comme le trône par exemple et la plume. Et il y a d'autres créations ou des créatures qui ont été créées après les cieux et la terre, comme par exemple le paradis et l'enfer. Non. Le Cheikh dit dans la page 149, il dit, quand il y a une prière qui a deux teshahhud, dans laquelle on fait deux fois le teshahhud, comme salat al-dhuhr, salat al-asr, salat al-maghrib et salat al-isha. Il a dit, quand il y a une prière où il y a deux teshahhud, le premier teshahhud, après les deux premières rak'at, le premier teshahhud n'est pas un rokn, n'est pas un pilier, mais c'est juste un wajib, c'est juste une obligation. Contrairement au deuxième et dernier teshahhud. Le deuxième teshahhud et le dernier, c'est un pilier. Quant au premier teshahhud, c'est tout juste un wajib. C'est pour ça que si on oublie un wajib, hein, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, je suis en train de faire salat al-maghrib. Quand je suis arrivé aux deux premières rak'at, au lieu de m'asseoir pour faire le teshahhud, je me suis levé. Ensuite, quand je me suis levé, j'ai commencé à dire, je me suis rappelé. J'ai dit, subhanallah, je n'ai pas fait le teshahhud. Que je dois faire? Si c'est un rokn, donc qu'est-ce que je fais? Si c'est un rokn, je dois revenir vers, hein, vers ce teshahhud, si c'était un rokn. Mais, puisqu'on a dit que c'est seulement un wajib, je n'ai pas le droit de revenir. Car le hadith a dit que si jamais on se relève du teshahhud et on l'oublie, on a le droit de revenir. Donc qu'est-ce que je fais? Deuxième rak'at, qui est la dernière, je fais le teshahhud, je dis salam alaykoum, et j'ajoute deux prosternations d'oubli. Ensuite je redis salam alaykoum. Donc si je dis que le premier teshahhud, si je dis que la vie le plus juste, c'est qu'il n'est pas un pilier, mais seulement un wajib, c'est seulement une obligation. Donc si je l'oublie, qu'est-ce que je fais? Si je l'oublie, je dois me prosterner deux fois, nam, avant de quitter ma salat. Je dois me prosterner deux fois avant de quitter la salat. Car je crois que, je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a une minute ou là, j'ai dit que quand je fais le salam, je me prosterne. Est-ce que j'ai dit comme ça? Si je dis comme ça, je reviens pour dire que je fais les deux prosternations, je les fais dans la salat, pas après. Nam, dans la salat, je me prosterne deux fois, ensuite je dis salamu alaikum. Nam. Muslim, je te donne le micro pour me dire exactement ce que j'ai dit. J'ai peur que je me suis contredit. Fadlak. Je pense que vous avez dit après et pas avant. Allahu alam. Tfadda, cher. D'accord, Inch'Allah, une seconde. Je crois que je veux dire une chose et je dis le contraire. Une seconde, Inch'Allah, car je vais prendre. Et vous m'entendez? Muslim, vous m'entendez? Alhamdoulilah. Sauf des fois, il m'arrive que, par exemple, pour dire une doua ou là, de la salat, par exemple, je l'oublie. Par exemple, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on dit dans le teshahhud? J'ai dit, j'oublie. Attends que je m'assoie, je fais semblant de faire la salade, comme ça je me rappelle. Je vais dire, attends, ah, là, et comme ça. Maintenant, pour dire que quelqu'un qui oublie le teshahoud et se lève, qu'est-ce qu'il doit faire? Je suis en train de penser. Je suis en train de penser, s'il fait les prosternations, s'il fait les prosternations avant ou après. Donc, je dois comme m'asseoir et revenir vers vous. Une seconde, inshallah ta'ala. Donc celui-là, inshallah ta'ala. D'accord, tfadl, whisper, tfadl. Donc dans ce cas, inshallah ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il a oublié le teshahud. Donc avant de quitter la salat, il fait deux prosternations à l'intérieur de la salat. Car sa salat est manquante. Il a oublié quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc avant de dire salam alaykoum, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et se prosterne deux fois, ensuite il lance le salam bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on va ajouter? C'était page 149. C'était page 149. On va ajouter une ou deux choses, inshallah ta'ala. Et on va s'arrêter parce que c'est presque pour Tlaïcha. Le chiffre dit page 251. C'est important surtout pour les hommes et les frères. Ce qu'on va dire ici, c'est beaucoup plus important pour les hommes et les frères. Naam. Il a dit, Men salla al-faridata fi baytihi duna udhr. Il a dit, quiconque va prier la salat obligatoire à la maison, il n'a pas d'excuse. Quand on dit ça, ça veut dire que c'est un homme, parce que les femmes, elles prient à la maison. Donc il a dit, quiconque va faire une salat obligatoire à la maison, il n'a pas d'excuse. Avec cette condition, il n'a pas d'excuse. Il a dit, sa salat est valide. Sahiha, valide. Mais en même temps, il a des péchés. Car si sa salat était invalide, car beaucoup de savants disent, s'il n'a pas d'excuse et il fait la salat à la maison, sa salat est invalide. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, non, ce n'est pas vrai, elle est valide, mais seulement il a des péchés. Il a dit, car si elle était invalide, alors comment se fait-il que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que salat al-jama'a est yani, mieux que salat, yani celui qui ne la fait pas en jama'a, de 27 degrés. Il a dit, le prophète Aslam a dit qu'elle était mieux, seulement, mieux de 27 degrés. Donc celle qui est à la maison, elle a perdu 26 degrés. Mais elle n'a pas dit qu'elle n'avait aucun degré. Le hadith n'a pas dit qu'elle n'avait aucun degré. Sinon, il aurait dit que celui qui fait la salat à la maison, il n'a rien. Et celui qui l'a fait à la mosquée, il a 27. Mais le hadith a dit non. Il a dit celui qui l'a fait à la maison, il a 1. 1 degré. Et celui qui l'a fait à la mosquée a 27. Donc le fait que la salat est 1 degré, c'est une preuve qu'elle est valide. C'est une preuve donc qu'elle est valide. Mais seulement la personne a des péchés pour l'avoir faite à la maison sans excuse. Page 264, le cheikh dit. Il donne comme une règle, il dit. Ma kana mashru'an fi l'ibadah awla bil mura'ati mimma kana mashru'an lil ibadah. C'est important, il a dit. Ma kana mashru'an fi l'ibadah awla bil mura'ati mimma kana mashru'an lil ibadah. En grosso modo, ça veut dire que la chose qui est demandée dans l'adoration est prédominante sur la chose qui est demandée pour l'adoration. Donc il y a, on a deux choses. Il y a dans l'adoration et il y a pour l'adoration. Il a dit, la chose qui est demandée dans l'adoration, à l'intérieur de l'adoration, est plus prédominante que celle qui est demandée pour l'adoration. Pour comprendre cette règle, on va donner un exemple. Le fait de dire Allahu Akbar pour commencer la salat. On commence toute salat par dire le fait de dire Allahu Akbar. Saha. Comme dit le hadith, Tahlilu wa takbir. Tahlilu wa takbir. Donc quand je vais commencer la salat, je dois dire Allahu Akbar. Allahu Akbar, elle est demandée dans l'adoration ou elle est demandée pour l'adoration? Elle est demandée dans l'adoration. Car elle est à l'intérieur. Quand je dis Allahu Akbar, j'ai commencé dans la salat. Donc, maintenant, je suis arrivé, par exemple, je suis arrivé à la mosquée, j'ai trouvé les gens en train de faire la salat. Ils ont dit Allahu Akbar et l'imam est en train de lire. Est-ce que je vais tirer mon siwak et yani, commencer à me nettoyer les dents ou bien je vais rentrer directement dans la salat? Allah, réponds-moi, Barakallahu fik. Toi, tu représentes ceux qui sont présents dans la salle. Si tu as compris la règle, est-ce que d'après toi, je vais rentrer, je vais commencer par là, ou je rentre dans la salat, ou bien je commence par mettre le siwak? On va voir si tu as compris la règle, Inch'Allah. Moi, je me nettoie les dents. D'ailleurs, si tu commences par te nettoyer les dents, ça veut dire que tu n'as pas compris la règle. Non. Certes, on commence par se nettoyer les dents. Mais quand on n'a pas encore dit Allahu Akbar. Mais maintenant, j'ai le siwak, qui est quelque chose de demandé pour la salat, et j'ai Allahu Akbar, qui est quelque chose de demandé dans la salat. Maintenant, s'il y a un conflit entre les deux, je commence par ce qui est demandé pour la salat ou ce qui est demandé dans la salat. Je commence par ce qui est demandé dans la salat. Car les gens ont déjà dit Allahu Akbar, ils ont commencé la prière et que peut-être même, quand je vais me nettoyer les dents, peut-être même que ils vont s'incliner. Et peut-être même je ne vais pas attraper l'arka. Vous avez compris? Il a dit dans ce cas, on commence par ce qui est demandé dans la salat. Naam. C'était 263. Page 279. Page 279. Le cheikh dit, le cheikh dit, il est permis au prieur, il est permis au prieur de rentrer sa main dans sa poche. Il est permis au prieur de faire rentrer sa main dans sa poche pour donner la clé à celui qui l'a demandé. Comme il est permis au prieur de demander à son épouse, par exemple, de lui donner l'enfant, le bébé, pour qu'il le mette sur son cou. Par exemple, ce bébé est en train de pleurer et sa mère est dans la cuisine. Donc, c'est la page 279. Donc, dans la page 279, le cheikh a dit que si je suis par exemple dans la salat, et par exemple, mon frère me dit, donne-moi les clés de la voiture. Il a dit, c'est permis de rentrer sa main dans sa poche et de lui donner les clés de la voiture. Naam. Ou bien alors, yani, le bébé est devant sa mère et en train de pleurer, et sa mère est très occupée. Mais très occupé, hein. Je lui fais un geste comme ça avec ma main en lui montrant le bébé. Ça veut dire donne-moi le bébé. Elle le prend, elle me le donne. Je le mets sur mon cou, je fais la prière avec et je la messe et je pour laisser la mère tranquille, pour laisser sa mère tranquille afin qu'elle nous prépare yani, les aubergines dans la cuisine. Sinon, yani, il ne peut pas la laisser. Alors que c'est permis que c'est même sunna de le mettre sur mon cou. Et de prier avec. Donc le cheikh a dit que c'est permis dans ce cas de faire une chose pareille. Page 279. Maintenant c'est le moment de la salat. On va se rencontrer, inchallah ta'ala, après la salat. Subhanak lahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous laisse avec le frère Ta'amallah, inchallah ta'ala, qui va vous faire écouter ou bien du Coran ou bien quelque chose d'intéressant, inchallah ta'ala. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc je débute par les premières questions. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Ma femme a trouvé un emploi à son domicile qui consiste à faire des demandes de dons par téléphone. Et elle s'adresse à des hommes et des femmes, sachant qu'elle n'embellit pas sa voix et qu'elle fait ses prières à l'heure ou alhamdulillah. Est-ce que cet emploi lui est permis? Jazakumullahu khairan. Question suivante. Salam alaikum, cher. J'aimerais savoir si quand l'ange de la mort va venir prendre notre âme, il apparaîtra sous sa forme d'ange obligatoirement ou peut-il se transformer en apparence humaine? Aurons-nous le temps de voir l'ange venir où il va venir et on sera pas paralysé directement sans avoir eu le temps de respirer et il arrache et on quitte le monde très vite? Est-il seul à arracher l'âme ou plusieurs? Car on dit qu'il y a l'ange de la mort, mais la sourate Naziat parle de plusieurs anges qui arrachent l'âme. Car j'ai lu sur le prophète, sur les prophètes et salafs, mais peut-être que cela ne sera pas pareil pour nous qui avons des degrés moins élevés. Question suivante sur le cours, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. En ce qui concerne la femme, en métrorragie continue. Quand celle-ci fait ses ablutions pour chaque salat, les ablutions sont-elles valables uniquement pour chaque prière ou bien pour tout le temps de la salat? Par exemple, si elle fait salat dhuhr et qu'elle souhaite faire des surérogatoires après, doit-elle refaire à chaque surérogatoire ses ablutions ou bien ses premières ablutions sont valables jusqu'à l'entrée de salat al-asr? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un frère qui a un chat à sa maison demande s'il lui est permis d'acheter des boîtes de pâté et de viande faites uniquement pour nourrir les chats, sachant qu'elles contiennent de la viande qui n'a pas été gorgée. A-t-on le droit d'en acheter? Même question si cette nourriture contient de la viande de porc. Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Inch'Allah que vous allez bien ainsi que votre famille. Ma question. Un enfant de 8 ans, parenthèse une fille, doit-elle faire toutes ses prières? Car sa maman lui ajoute une salate chaque année depuis petite. Et cette année, elle va faire 4 salates obligatoires jusqu'à ses 10 ans où elle fera les 5 Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Alors, Samat, j'ai pas entendu la première question. Ensuite, si c'est possible de répéter la quatrième et la cinquième. Ok, cher, pas de problème, Inch'Allah. Donc, je répète la première. Je vais résumer, Inch'Allah, la première. Non, la première. Ma femme a trouvé un emploi à domicile qui consiste à faire des demandes de dons par téléphone. Et elle s'adresse à des hommes et des femmes, sachant qu'elle n'embellit pas sa voix et qu'elle fait ses prières à l'heure, ou alhamdulillah, est-ce que cet emploi lui est permis? Question 4. Un frère qui a un chat à sa maison demande s'il lui est permis d'acheter des boîtes de pâté et de viande faites uniquement pour nourrir les chats, sachant qu'elles contiennent de la viande qui n'a pas été égorgée. A-t-on le droit d'en acheter? Même question si cette nourriture contient de la viande de porc. Une dernière question, Inch'Allah. Un enfant de 8 ans, parenthèse, une fille, doit-elle faire toutes ses prières? Car sa maman lui ajoute une salate chaque année, depuis petite. Et cette année, elle va faire 4 salates obligatoires, jusqu'à ses 10 ans, Inch'Allah, où elle fera les 5. Tfadal, cher. Vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Pour le fait que la femme, quand il a dit, si elle parle au téléphone, qu'ils sont dedans aux hommes et aux femmes, etc. Non. La règle, c'est que pour une femme, c'est pas interdit de parler avec un homme. La règle en général en islam, c'est pas interdit qu'une femme parle avec un homme, mais avec deux conditions. La première, qu'elle n'embellisse pas sa voix, et la deuxième, qu'il y ait un besoin. Donc si elle voit qu'elle est dans le besoin, qu'elle parle sans embellir sa voix, elle essaye, elle voit. Si elle voit que Annie, elle sent que ça commence à avoir des fitna, elle arrête. Sinon, inchallah ta'ala, il n'y a pas d'interdiction, sauf si en commençant elle voit que les hommes ne sont pas sérieux, qu'ils disent des choses qui ne sont pas bien, etc. Dans ce cas, elle arrête. Pour la question des ablutions pour les métrorragies. Quand une femme a les métrorragies, vous savez que elle doit faire la prière, elle doit faire les ablutions pour chaque prière. Ou du moins, faire une fois les ablutions et grouper entre quoi? Entre les deux prières, entre Dhuhr et l'Asr, entre le Maghrib et l'Isha. Non. Maintenant, à chaque fois qu'elle fait les ablutions, elle peut faire, sans refaire les ablutions, elle peut faire avec ses ablutions les salats qui ont rapport, les salats surérogatoires, qui ont rapport avec la salat obligatoire. Par exemple, elle vient de faire le wudu et elle fait les quatre avant dhuhr, ensuite elle fait dhuhr et les deux après. Et les deux après. Les nafilas qui sont attachés avec la prière, elle peut les faire avec les mêmes wudu, surtout les nafilas qui sont après. Surtout les nafilas qui sont après la salat, j'en suis sûr. Pour celles qui sont avant, Allahu alam, je commence à avoir des doutes. Mais celles qui sont après, Cheikh Ibn Uthaymeen dit rahimahullah, que c'est possible de les faire avec les mêmes wudu. Reste pour celles qui sont avant, je chercherai, inshallah ta'ala, davantage car j'ai oublié maintenant. Non. Ensuite, pour l'ange de la mort, quand il va venir sous forme, sous sa forme. Sous sa forme. Car c'est un ange, il ne va pas venir sous forme humaine. Car maintenant, on n'est plus dans cette vie. On va aller dans l'au-delà. Donc, ce sont des choses qui, tout ce qu'on va voir, etc., n'a rien à voir avec cette vie. On va voir les choses dans leur propre essence, dans leur propre essence. Ensuite, l'ange de la mort, quand il va venir, non, il va pas venir seul. Mais comme c'est dans le hadith authentique, que la personne, quand elle va quitter ce monde pour aller vers l'autre, et que déjà elle commence à perdre conscience, et que c'est, comme on dit en arabe, là, s'il lui reste que quelques secondes pour quitter, elle commence à voir tout l'horizon. Elle voit très loin comme on voit nous l'horizon. Elle voit que c'est plein d'anges, des centaines, peut-être des milliers, plein d'anges. Et ensuite, il y a certains de ces anges, peut-être 4, peut-être 5, je ne sais pas leur nombre, qui vont commencer. Ce sont comme des infirmiers. Des infirmiers, vous savez, une personne avant de faire une opération chirurgicale, il y a toujours les infirmiers qui commencent. Il y a l'anesthésiste, il y a l'autre qui prend la tension, il y a l'autre qui lui fait les pansements, etc. Donc ceux-là, ils commencent déjà à vouloir, inciter l'âme à ce qu'elle sorte. À ce qu'elle sorte, l'âme. Ensuite, quand l'âme est prête à quitter le corps, on la fait monter du bas, de l'orteil, bas vers le haut, c'est là qu'intervient Melk Mout, l'ange de la mort. Lui seulement, et lui seul peut prendre l'âme. Tous les autres anges réunis ne peuvent sortir cette âme. Et ce n'est pas leur fonction. Et ils n'ont droit de faire que leur fonction. Leur fonction, c'est d'aider. Hein, ce sont des aides. Des personnes qui aident, c'est tout. Des anges qui aident. Ensuite, c'est Malik al-Maut, quand il va venir, c'est lui qui va prendre cette âme, bi-idhni ta'ala. Et quand il la prend, qu'est-ce qu'il fait? Il la remet à qui? Aux anges. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont la mettre dans un cercueil du paradis ou un cercueil de l'enfer, comme vous savez. Car comme j'ai dit tout à l'heure, la personne avant de mourir, dans les derniers instants, elle voit déjà et elle sait déjà si Allah Ta'ala est en colère d'elle ou bien il est ravi d'elle. C'est d'après les anges. Si elle voit tout autour d'elle à vue d'horizon, c'est plein d'anges habillés de blanc. Et une odeur, mashallah, d'encens et de musc comme elle n'en a jamais senti. Donc, déjà, des fois, il lui arrive de faire un petit sourire. Et les gens disent, subhanallah, cette personne est morte en souriant. Parce qu'elle l'a vu déjà, elle a senti que là, c'est le paradis, bien ta'ala. Et le contraire pour le kafir et l'hypocrite, etc., c'est la très mauvaise odeur, très puante, comme jamais, jamais on a pu yani, sentir une chose pareille. Plus les anges habillés de noir, et plus le corps, le nash, le cercueil de l'enfer avec le feu. Avec le feu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Pour l'enfant de 8 ans, la personne qui dit que elle lui apprend yani, 4 salats et maintenant c'est la quatrième salat, etc. Jeudi. La vraie sunna, c'est que l'enfant, quand il a 7 ans, on lui apprend à faire les 5 salats. Non, les 5 à la fois. Mais Alish, de temps en temps, il loupe l'Isha, il dort. De temps en temps, il ne se réveille pas pour faire Allah. De temps en temps, il ne se réveille pas pour faire Sobh. Et comme ça, et comme ça. Mouhim, on lui apprend qu'il y a 5 au départ. Et il en fait ce qu'il peut, bi'idhnillahi ta'ala. Sans toutefois qu'on le frappe jusqu'à ce qu'il ait 10 ans. Quand il a 10 ans, on commence à lui donner une tannée lorsqu'il ne prie pas ou lorsqu'il délaisse la salat, bi'idhnillahi ta'ala. Donc je dis à cette sœur de dire à sa fille qu'elle commence à faire 5 prières, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Pour le chat, on lui achète ce qu'il mange lui. Naam. Son manger qui est spécial à lui. Et c'est permis de donner à un animal de manger quelque chose qui est interdit pour nous. Le délit, c'est le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Abi Daoud, si j'ai pas oublié, ou je crois même qu'il est dans le Bukhari, où lorsqu'ils ont su, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que les ânes étaient interdits, non? Il a dit de verser tout ce qu'il y a dedans et de jeter ça en pâturage aux animaux. Donc c'est quelque chose de haram maintenant, ils ne peuvent plus manger l'âne. Mais il a dit de le jeter aux animaux. Donc l'animal, on peut lui donner des choses qui sont haram, haram pour nous, mais halal pour lui. Pourquoi? Comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit que l'animal n'a pas de halal et de haram. Pour l'animal, il n'y a pas de péché. Seulement, j'ouvrirai juste une parenthèse pour dire, je ne vais pas spécialement lui acheter quelque chose où il y a le porc. Non, même si le porc pour l'animal est permis, mais pour que j'aide pas des gens à ce que quoi, à ce qu'ils ils vendent le porc. Non, mais il y a d'autres mangers pour le chat. Non. Donc qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai répondu inchallah ta'ala aux 5 questions. Wallahu ta'ala alim, tfaddal. Non, je cherche juste une petite précision, Inch'Allah, sur la question des dons. La sœur dit que c'est des dons pour des associations, comme les associations pour le sida, le cancer, etc. Il y a beaucoup d'associations comme ça en France, et elle demande est-ce qu'il est autorisé pour travailler pour ces associations. Tfadal, cher. Non, quand le travail est à vocation humanitaire et que ce n'est pas yani, à vocation religieuse, je ne travaille pas pour yani, aider à construire des églises ou je ne sais pas quoi. Non, mais c'est pour des gens qui sont malades, des gens qui sont malades, même si c'est un kafir, non, si je peux l'aider, j'ai un ajr, bi'idhnillah subhanahu azza wa jalla, à condition que ce kafir ne soit pas un kafir qui me fait la guerre. On n'est pas en temps de guerre, bi'idhnillah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikoum, cher. Donc la question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, cher Hana. Hafizakum Allah. Je prends Allah en témoin que je vous aime, Allah. Ma question est la suivante. Des frères ont pour habitude, après certaines salates, d'aller jouer au foot. Bien souvent, il y a des mécréants qui jouent avec ses frères. Ces mécréants portent des shorts extrêmement courts, laissant apparaître leurs cuisses. Les frères devraient-ils les boycotter, comme c'est dit dans la question, même si ça se dit pour des hommes, et s'éloigner de ces mécréants jusqu'à ce qu'ils portent des habits décents. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on demander à une personne vivante d'intercéder pour nous auprès d'Allah le jour du jugement si Allah lui ordonne la possibilité? Qu'Allah vous récompense. Question suivante, cher, qui est très longue. Donc je vais essayer de la lire rapidement. Très longue cette question. Je suis un frère converti. Un jour, alors que j'étais sur une colère extrême envers mon ex-épouse, j'ai dit sans le penser, je ne suis plus musulman. Et j'ai arrêté la prière pendant une semaine. Puis je l'ai repris. Comment me repentir d'un tel acte que je regrette profondément et pour lequel je demande souvent le pardon à Allah? Et avant de me convertir, je fréquentais une sœur qui est tombée enceinte. Entre parenthèses, je me repens fréquemment pour ça. Nous avons fait la première halal, mais pas de mariage, à la mairie ou au consulat, alors qu'elle était enceinte. À l'époque, je ne savais pas que cela était interdit. Puis on a divorcé une première fois. À cette occasion, lors d'une discussion avec son père pour lui expliquer nos problèmes, il m'a dit que les lois de l'islam ne s'appliquaient plus au XXIe siècle. À l'époque, je rentrais juste dans la religion et je ne savais pas quoi lui répondre. On a refait un deuxième halal, un mariage. Je ne savais pas que je pouvais la reprendre sans halal, car elle était dans son délai d'attente, avec son père comme wali. Donc je ne sais pas si ce mariage était valide, vu que cette parole est le sixième annulatif de l'islam, selon Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. On a eu un second enfant durant cette période. Puis on s'est de nouveau séparés. Par la suite, on s'est remis ensemble, donc sans se remarier, car elle était dans sa période d'attente, et de nouveau divorcée pour la troisième fois. Elle s'est remariée depuis avec un frère du Maroc ne pratiquant pas la sunna. Je voulais savoir quel est le statut de notre situation et est-ce que j'aurais pu la reprendre, entre parenthèses, avec un premier mariage non valide car enceinte et la parole de son wali. Dois-je lui conseiller de faire repentir à son père? Son nouveau mariage est-il valide? Suis-je le père légitime du premier enfant et du second qu'on a eu à la suite du deuxième halal? Dois-je verser une pension aux deux enfants, à un seul, à aucun, ou cela m'est seulement recommandé? De plus, si je voulais savoir comment je dois me marier d'ici peu et dans le cas où ces enfants ne seraient pas les miens, d'un point de vue islamique, car pour la loi française, ils portent mon nom, si je pouvais les faire allaiter par ma nouvelle femme pour qu'ils puissent l'avoir sans problème. Car je précise que depuis notre divorce, leur mère a beaucoup changé et ne s'attache plus à la sunna. La télévision, les photos des enfants, mariage, un frère ne pratiquant pas la sunna, mauvaise fréquentation, mixité, etc. Et je crains pour ces enfants que j'aime comme un père, vu qu'ils ont grandi avec moi. Je précise qu'ils ont 6 et 4 ans et que ce sont deux garçons. Leur mère est d'accord pour me laisser pendant les vacances, vu que j'ai fait la Hijra en Algérie et que je souhaite qu'ils soient proches de ma nouvelle femme. Vu qu'elle a l'arabe littéraire, elle vient de Jordanie et connaît le Coran dans son intégralité, deux choses que je n'ai pas ni leur mère. Puis-je leur faire la double nationalité pour qu'ils viennent plus facilement en Algérie? Entre parenthèses, sans frais de visa, car à la longue, ça me reviendrait cher étant en Algérie, et surtout dans l'éventualité qu'ils veuillent faire la Hijra plus tard, sachant que leur mère est d'origine marocaine, et je ne sais pas s'ils peuvent l'obtenir. Je ne peux pas poser la question en Algérie, car je ne maîtrise pas la langue. Naam, cher Bzef, je sais, il y a beaucoup de questions, subhanallah, dans cette question. Et c'est pour ça que j'avais demandé, avant de rédiger les questions, d'être le plus concis possible et d'aller à l'essentiel, inchallah. Car là, il y a beaucoup de choses en une question. Certes, tout revient sur la même chose, mais il y a beaucoup. Donc, cher, je vais éviter de poser les deux autres et je vais laisser déjà vous répondre à l'essentiel, inchallah. Etfadal, cher. Osman, je n'ai pas entendu la cinquième, ça c'est la quatrième question. Là, cher, je suis arrivé juste à la troisième question, en fait. J'ai fait que trois questions, mais comme elle est longue, je préférais que vous répondiez aux trois premières questions. Là, voilà, si vous voulez, je vous lis deux autres questions. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, barakallahu fikoum. Qu'Allah vous accorde le firdaous. Dans le cas où une famille musulmane nous invite à un repas, doit-on demander s'il y a du vinaigre d'alcool dans le plat ou de la gélatine, en sachant que nous, au quotidien, on fait en sorte de ne pas en manger? Question suivante. Salam alaikum. Quand une personne oublie ou rajoute une profanation, comment fait-elle pour la corriger? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Que celui qui a posé la, disons pas la question, le problème, celui qui a posé le problème. Est-ce qu'il reste encore d'autres questions dans ce problème? Là, cher, il termine la question en disant: je ne peux pas poser la question en Algérie car je ne maîtrise pas la langue. C'est comme ça que se termine sa question. Fatal, cher. Donne-lui, Inch'Allah, des mails et je lui répondrai, Inch'Allah ta'ala, sur un email, s'il en a. Inch'Allah, demain ou après-demain, je lui répondrai, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Taïb, pour le football, on n'a pas le droit de jouer avec des gens qui. Comme on a dit ici dans la question, et année le disons le short, là, comment ça s'appelle, qu'il est vraiment court. S'il est un peu plus relevé des genoux, juste un peu, plus ou moins. Et maintenant, s'il est relevé vraiment court, jusqu'à ce qu'on voit la moitié de la cuisse, donc dans ce cas, ou bien on dit à ces personnes-là de se. De bien se vêtir, ou bien on leur dit on va plus jouer avec vous. On va, comme on a dit dans la question, on va les boycotter. Non. Pour la deuxième question, est-ce qu'on peut demander à une personne dans cette vie d'intercéder pour nous, Yom al-Qiyamah? Je dis, les salafs n'ont pas fait ça. Les salafs n'ont pas fait ça. Ensuite, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que cette personne va mourir en tant que personne pieuse pour qu'elle puisse intercéder pour nous demain. Car d'ici une heure, on ne sait pas ce qui va se passer. D'ici une heure ou une demi-heure, beaucoup de gens pieux peut-être vont devenir pervers et beaucoup de pervers peut-être vont devenir pieux. Donc, tant qu'on est vivant, comme dit Abdullah ibn Mas'ud, tant qu'on est vivant, personne n'est sous l'abri de la fitna. Il ne peut pas savoir ce qui va lui passer. Premièrement, et deuxièmement, comme dit Cheikh Issem Touimiyé et comme dit Cheikh Ibn Outaymin aussi, il dit, yani, ce n'est pas bien de dire à quelqu'un, par exemple, fais-moi dua, ou bien intercède-moi, ou bien quelque chose comme ça, car les Sahaba, lorsqu'ils ont fait l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, il leur a demandé de ne rien demander aux gens. Rien demander aux gens. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, dans le fait que rien ne soit demandé, il a dit ça rentre les doigts. Même les doigts, on ne doit pas les demander aux gens, sauf si vraiment, yani, on est dans la daroura. Non. Pour la personne qui a dit, qu'est-ce qui reste? Non. Pour le vinaigre d'alcool. Pour le vinaigre d'alcool, en principe, la règle, c'est que quand on va chez les gens, on ne pose pas de questions. Non. On ne commence pas à dire est-ce que vous avez mis tel ou tel vinaigre? Est-ce que. La base virale VPS a été mise à jour. Est-ce que vous m'entendez? Muslim. Alhamdoulilah. Non, c'est pas de la sunna de demander d'où a été achetée cette chose. Est-ce que cette chose, yani, c'est du halal ou du haram? Est-ce que le poulet qu'on est en train de manger, il a été égorgé? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Non. La sunna, c'est quoi? Ou bien de manger, ou bien de s'abstenir. Non. Ou bien de manger, je mange. Ou bien j'ai des doutes là, je m'assieds, je dis barakallahu fikoum, jazakumullahu khairan. Je n'ai pas envie. C'est vrai, tu n'as pas envie à cause de. Tu as des doutes. Non. Non. On ne va pas demander est-ce qu'il y a des aubergines, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que les aubergines ont été égorgées, tout ça, on ne demande pas. Non. Ensuite, la dernière question. Quand on a deux prosternations à faire, deux prosternations d'oubli à faire. Ensuite, par exemple, on a fait une prosternation au lieu de deux. Ensuite, on s'est assis. Ensuite, on sait quoi? On s'est. Comment on dit fakat en français? On s'est rappelé. Je me suis rappelé, je dis subhanallah. J'ai fait seulement une prosternation au lieu de deux. Comment qu'on fait? Est-ce qu'on doit faire deux autres prosternations pour les prosternations que j'ai oubliées? La règle dit, la règle dit, attendez comment on dit, al-musarrar la yusarrar. Al-musarrar la yusarrar. Qu'est-ce que ça veut dire al-musarrar la yusarrar? Par exemple, en français, il y a un livre. Ensuite, il y a plus petit, c'est quoi? Livret. Livre, livret. Maintenant, on est en train de parler du livret. Maintenant, on ne peut pas encore et ni le rendre plus petit. Il n'y a pas un autre mot pour dire plus petit que le livret. C'est comme ça on dit. Un mot sarah, le livret, on ne peut plus le rendre plus petit. Ici aussi, c'est la même chose. Ici, on a fait la prosternation pour corriger. Maintenant, on s'est trompé dans la prosternation. On ne peut pas corriger ce qu'on. On ne peut pas corriger la chose avec laquelle on devait corriger. Donc, de toute façon, on oublie les prosternations, on laisse tomber. Comme ça disent les savants. Wallahu ta'ala alam. Atfadl. Non, donc la question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le jugement d'un homme qui accepte de se convertir pour se marier avec une femme musulmane sous condition du père? Le mariage est-il valide? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous bénisse ainsi que les admins et qu'il vous augmente en science. Peut-on prier dans une douche au travail? Si c'est le seul endroit où l'on peut prier en cachette et si celle-ci est propre et le sol est sec. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve, cher. Une personne a menti sur une autre et l'oppresse énormément. L'opprimé a fait doa que celui qui a menti meurt avant la fin de l'année. Avait-elle le droit de faire une telle doa? Doit-elle se repentir? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Quand la fin des temps arrivera, Isa, alayhi salam, reviendra sur terre et gouvernera 40 ans. Et donc ma question, c'est est-ce qu'il se mariera et que fera-t-il pendant toute la durée de cette période? Et puis quand il décédera, est-ce qu'il ne restera plus de ne est-ce qu'il ne restera est-ce qu'il ne restera plus que les mouchriquines sur terre? Voilà ma question, Inch'Allah, barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Hayakum Allah. Jalla wa ala. M'est-il permis de prendre des cours d'arabe et de tajwid dans une mosquée de Ikhwan, car dans ma ville, il n'y a qu'eux qui le font. Barakallahu fikoum. Question suivante. Et j'aimerais, cher, par rapport à... Parce que je discutais l'autre jour avec un frère sur la salat dans les toilettes. Et je me rappelle une fois que vous aviez fait une intervention là-dessus. Et j'aimerais que vous précisiez par rapport à la douche, Inch'Allah, par ce que vous aviez dit sur la salade dans les toilettes. Si vraiment c'est le seul endroit, est-ce qu'il est autorisé de le faire? Tfadashir. Salam, j'ai pas bien compris la première question en ce qui concerne le converti. Tfadal. Non, mais en fait, la question sur le converti, cher, c'est un frère qui est. C'est un kafir. Il veut se marier avec une musulmane. Et le père de cette musulmane a donné comme condition à cette personne de se convertir pour se marier avec cette sœur. Et donc, la question est, est-ce que le mariage est valide si cette personne se convertit juste pour se marier avec cette sœur? Tfadal, cher. C'est possible en islam que quelqu'un se convertit à cause d'une femme pour se marier avec elle, à condition que son but, ce n'est pas seulement la femme, mais la femme sera la cause. C'est-à-dire que il va dire d'accord, donc je vais me convertir, comme ça on va se marier, et comme ça, c'est une occasion qu'il soit musulman pour continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous connaissez tous d'ailleurs le cas de Sulaym, quand Abu Talha lui avait demandé sa main, qu'elle avait dit, quelqu'un comme toi, on refuse pas, mais tu es kafir. Mais si tu veux, je ne te demanderai pas de dot. Ma dot serait alors que tu rentres dans ce dîn, en islam. Tu sois musulman, il est devenu musulman, il s'est marié avec elle, il est devenu l'un des meilleurs musulmans. Donc, il faut faire la différence entre je vais rentrer en islam pour me marier et ça s'arrête là, ensuite je ne fais ni salat, ni rien, ni rien, ni jeûne, ni rien, ou bien, tiens, c'est une occasion pour moi en même temps d'être musulman et on se marie. Dans ce cas, inshallah ta'ala, c'est valable. J'ai cité le cas de Umm Sulaym radiallahu ta'ala anha. Pour la prière dans la douche, Cheikh al-Islam, alayhi rahmatullah, a cité le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ju'ilat lil ardo masjidan wa tahuran. Le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith authentique que la terre, Allah ta'ala, l'a faite pour moi en même temps un lieu de prière, masjid, et en même temps tahour, et en même temps je peux faire le tayammum avec. Ça veut dire ça que c'est l'une des particularités qu'a donné Allah Azza wa Jal à ce prophète alayhi sallam et par conséquent à cette umma. Autrefois, personne n'avait droit de faire la salat n'importe où. Il devait aller ou bien à l'église, ou bien au monastère, ou bien au mohim, dans l'endroit où on fait la prière. Ce n'est pas n'importe où. Nous, alhamdoulilah, rahma min Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire la prière partout. Dans la plaine, sur une montagne, dans la forêt, dans un jardin, où tu es. Alhamdoulilah aussi, les autres autrefois devaient faire les ablutions. Tu n'as pas d'eau, tu ne fais pas la prière jusqu'à ce qu'il y ait l'eau et tu trouves l'eau. De nos jours, pour cette nation, alhamdoulilah, juste tu es essuie tes mains avec un peu de terre ou bien contre un mur, alhamdoulilah, tu as fait le taïmoum, tu fais la prière. Un mouhim, Cheikh Islam rahimahullah a dit, puisqu'il a cité le hadith, il a dit que Ju'ilatil ardo masjidin wa tahura, non, il a dit illa al maqbara ou al hammam, yani que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis la salat partout. Il a dit que ayyuma al-mar'in min ummati draktu salat, il passe la salat, il a dit, sauf dans le maqbara ou le hammam. La salat est permise, sauf dans le cimetière et quoi? Et le hammam. Le hammam, c'est quoi? Le hammam, je l'ai dit déjà une fois, c'est ce qu'on appelle chez nous le bain mort. Non. Je vais écrire ici, qu'est-ce qu'il va dire le hammam? Attendez. Le hammam. Non. Vous m'avez entendu, le maqbara ou le hammam. Le maqbara, c'est le cimetière, c'est interdit de faire la salat dans le cimetière. Et le hammam, c'est ce qu'on appelle le bain mort, c'est interdit de faire la salat dans le bain mort. Cheikh Islam, quand il a cité cela, il a dit maintenant, supposons qu'une personne soit dans le hammam, elle est en train de se laver, etc. Ensuite, maintenant, c'est le moment de la salat et il ne reste, par exemple, que quelques secondes ou là, quelques minutes. Si elle sera alors entre deux choses. Ou bien, non, ou bien elle fait la salat dans le hammam et elle le fait à l'heure, elle l'a fait à l'heure, ou bien, qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien elle laisse pour après et elle va la faire à la maison. Non. Le prophète avait dit, al-ard kulluha masjid. La terre est toute, yani, un lieu de prière, il a dit sauf le hammam ou le maqbara, sauf le bain mort et, comme j'ai dit tout à l'heure, le cimetière. Cheikh l'Islam a dit, dans ce cas, il fait la salat dans le hammam, dans le bain mort, et il ne laisse pas yani, la salat passer. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que le facteur du temps prédomine sur le facteur de l'endroit. C'est-à-dire, s'il y a un conflit entre le temps et l'endroit, on doit yani, favoriser quoi? Le temps, pas l'endroit. Place, l'endroit ici, on est où? On est dans un hammam. Là, ça n'a pas d'importance. Je fais la salat. Mouhim, la salat ne sort pas de son heure. Comme ça, dit Cheikh l'Islam, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa al-Kubra. Ça, c'est pour yani, la douche. Maintenant, on revient. Donc, je dis ici à la personne, s'il n'y a aucun endroit où faire la salat, hein, il n'y a que la douche, dans ce cas, tu es excusé, sauf si tu veux regrouper entre les salats. Sauf si tu veux regrouper entre les salats. Non, ça c'est aussi une autre alternative. Quand pour maintenant faire la salade dans les toilettes, Si c'est l'endroit, c'est seulement des toilettes. L'endroit, c'est seulement des toilettes. Là, on fait ses besoins, etc. Je ne pense pas que ça soit permis de faire la salade dans un endroit pareil. Mais, comme j'ai dit une fois, si c'est une grande salle de bain, à gauche, par exemple, il y a là où on urine, par exemple, et là-bas, hein, de l'autre côté, c'est vide, où il y a seulement un lavabo, où il y a, comprenez, il y a une grande place, où il y a un grand espace entre cette chose-là et cette chose-là. Dans ce cas, c'est faisable aussi dans la Darura. Parce que les toilettes, c'est juste l'endroit où on fait sa chose. C'est pour ça que les Sahaba, les compagnons, autrefois, il n'y avait pas les toilettes. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait, même les hommes, ils allaient comme ça, loin dans, un peu loin dans le désert, faire leurs choses et revenir. Un quand ils vont dans le désert, c'est quoi les toilettes? Il n'y a pas les toilettes, tu choisis n'importe quel endroit. Un quand tu choisis l'endroit, la personne s'assoit, elle a fait par exemple ses besoins. Quand elle se lève, dès qu'elle se lève, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit refranak. Non. J'ai dit quand les Sahaba allaient dans le désert, faisaient leurs besoins. Quand ils se relevaient de l'endroit, ils disaient refranak. Donc refranak, il n'allait pas loin, à 10 mètres plus loin pour dire refranak, mais dès qu'il se levait de l'endroit, il disait refranak. Donc c'est une preuve que, yani, quand on s'éloigne juste un peu de l'endroit où on a fait ses besoins, on n'est plus dans les toilettes. Vous avez compris? Mais pour terminer jeudi, comme disent qui ont pris ça des savants, je disais, certains ont dit que pour ceux qui habitent dans les pays de Kof, pour ceux qui habitent dans les pays de Kof et qui ont des difficultés pour la salat, certains ont dit que non, il est permis, inshallah ta'ala, il y en a de temps en temps de grouper entre les salats. Car des fois c'est difficile, c'est dans un endroit où on ne se laisse pas faire la prière, etc. Certains savants ont dit que c'était permis pour eux, c'était une particularité pour ceux qui sont dans le pays de Kof et ont des difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pour la personne qui a fait des doigts contre une personne pour la mention du nom d'Allah. J'ai pas compris, Mouslim, je te donne le micro. Non, cher, si la personne le fait dans les toilettes, comment fait-elle pour mentionner le nom d'Allah? Si c'est une prière, par exemple, qui est à voix haute, Tfadal, cher. J'ai entendu seulement la fin de la question, j'ai pas entendu le début. Alhamdulillah. Non, donc, comment fait la personne si, par exemple, elle fait la prière dans les toilettes. Donc, comme vous avez pris l'exemple là, que c'est une pièce où il y a les toilettes qui sont un peu éloignées. Comment fait-elle pour mentionner le nom d'Allah, sachant que cette pièce elle est quand même fermée? Si toutefois c'est une prière qui se fait à voix haute, par exemple. Tfadal. Je pense, Inch'Allah Ta'ala, que vous m'avez bien compris et que je fais la différence entre les douches et les douches où il y a la douche et les toilettes seules. Comme ça, une petite chambre où il y a seulement les toilettes, j'ai dit non. Mais j'ai dit maintenant, c'est une grande pièce où d'un côté, il y a par exemple le bidet, etc. Et de l'autre, il y a le lavabo, etc. Là, il faut se retirer vraiment de l'autre côté. Et encore, si c'était peut-être, si dans ce cas aussi on va grouper entre les deux salades, peut-être que c'est mieux. Peut-être que c'est mieux. Mais par exemple, ce qui serait encore mieux, si on avait par exemple la possibilité, yani comme ça, un petit, comment ça s'appelle ça, un petit rideau, quelque chose comme ça, pour le mettre par exemple, yani dans cette grande pièce, entre les toilettes, entre l'endroit où il y a le bidet, où on urine, etc., et entre le lavabo. Non, pour séparer, non. Il y avait comme ça quelque chose qu'on pouvait acheter et qui peut quoi? Qu'on peut comme ça ouvrir et fermer. Il y a des choses comme ça qui s'ouvrent comme un éventail. Vous connaissez l'éventail? On l'ouvre comme ça, on le ferme. Il y a comme ça des séparateurs. Des séparateurs, qu'on peut acheter et le mettre juste pour yani, la salat. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Pour la personne qui a fait des doigts contre une personne pour que Allah ta'ala la fasse mourir, je dis, quand la personne est lésée, on lui fait du tort. On lui fait du tort. Allah ta'ala a permis de faire des doigts contre une personne. Il a dit dans le Coran, La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man dhulim. Allah ta'ala n'aime pas qu'on dise des choses qui ne sont pas bien, sauf pour celui qui a été lésé, on lui a fait du tort. Vous allez voir le tafsir de ce verset dans Ibn Kathir et les autres, vous allez trouver que Allah n'aime pas qu'on dise des choses qui ne sont pas bien, il est en train de parler des doigts qui ne sont pas bien contre les gens, etc. Il a dit, sauf quand on fait du tort à quelqu'un. Quand on fait du tort à quelqu'un, je vous ai cité plusieurs fois hein, les dalils qu'il était permis, comme le hadith de Saad ibn Abi Waqqas et les autres, qu'il était permis, Jorayj, sa mère qui a fait des doigts contre lui, qu'il était permis de faire des doigts quand on est lésé et on a tort. Néanmoins, si la personne maintenant a ressenti quelque chose dans son cœur, qu'elle dise seulement Astaghfirullah, qu'elle dise Astaghfirullah, c'est le shaitan qui m'a poussé à dire cette chose. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Non. Pour la question qui a rapport avec Isa alayhi salam, Isa alayhi salam, que les autres appellent Jésus, Naam, reviendra et vivra encore 40 ans. Vivra 40 ans, bi-idhnillahi subhanahu azzawajal. Et Isa alayhi salam est vivant, il n'est pas mort. Il mourra ici sur terre. Il mourra sur terre et sera quoi? Et sera enterré sur terre. Naam. Tous les hadiths qui ont rapport avec Isa alayhi salam et sa venue, aucun des hadiths n'a cité qu'il se marierait sur terre. Aucun hadith. Par contre, il a cité qu'il tuera l'Antéchrist, qu'il cassera la croix, qu'il tuera le porc, mais qu'il se marierait, ça n'a pas été cité dans le hadith, dans tous les hadiths. C'est pour ça que notre position est de se taire. On dit est-ce qu'il va se marier? On dit Allahu a'lam. Si tu vas dire il va pas se marier, on va te dire aussi pourquoi tu as dit ça? Dis Allahu a'lam. Le hadith n'a dit ni il se marie ni il se marie pas. Donc on se tait, on dit Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ensuite il y avait une autre question ici dans celle-là. La personne a dit Muslim, est-ce que tu peux me dire la fin de la question, c'était quoi? La fin de cette question, tfadlal. Non, monsieur, je vais la reprendre, Inch'Allah. Est-ce qu'il ne restera plus que les mouchrikines sur terre? Donc elle dit, il gouvernera 40 ans, et donc ma question, c'est est-ce qu'il se mariera et que fera-t-il pendant toute la durée de cette période? Et puis quand il décédera, est-ce qu'il ne restera plus que les mouchrikines sur terre? Tfadal, cher. Alhamdulillah. Sachez, barakallahu fikoum, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend notre dîn, que la fin du monde n'aura lieu que sur les mouchrikines. Non. Quand il restera place un jour ou là pour la fin du monde, Allah ta'ala va envoyer un vent spécial. Ce vent, quiconque des musulmans, des croyants, lui rentrera sous ses aisselles, je dis bien, sous ses aisselles, le musulman qui va sentir ce vent-là sous ses aisselles tombera mort, mourra. Rahma min Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que ne restent vivants que les kuffars, les polythéistes, les bouddhistes, les mécréants. Pourquoi? Yani spécialement pour que la fin du monde, yani pour qu'ils vivent l'horreur de la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas une chose facile. Les étoiles qui tombent, le soleil qui se cogne avec je ne sais pas quoi, les cieux qui s'ouvrent, la mer qui devient enflammée, le tsunami, enfin. Personne ne souhaiterait vivre le dernier jour de ce bas monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa miséricorde, fera mourir tous les croyants et fera de sorte que la fin du monde n'aura lieu que sur les mécréants et les koufars, oulayadou billah. Enfin, pour la dernière question, apprendre l'arabe et le tajwid chez les ikhwan. Je ne conseille pas pour deux raisons. Amin. Je ne conseille pas pour deux raisons. La première, quand tu vas apprendre l'arabe, quand on va apprendre l'arabe, ou même le tajwid, le professeur qui est des ikhwan, qu'il soit un homme ou une femme, est obligé de temps en temps de te piquer par un certain poison, en disant des choses, en faisant des réflexions, en faisant ceci. Tu vas pas du matin au soir seulement aller alif ba ta ça, non. Non, ça va parler d'autres choses, ça va parler des réflexions, etc. Donc, il est obligé, peut-être que il va te servir le poison, yani, dans le miel. Tu vas dire, mashallah, ce miel est vraiment sucré, mashallah, alors qu'il y a du poison, de l'ikhwanisme et de la bid'a à l'intérieur. Et tu n'as pas assez d'ilm, donc on va te t'avoir facilement. Premièrement, ça c'est. Deuxièmement, ça fait quoi? Ça fait une mauvaise propagande pour les salafis. Ils vont dire, non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, donc cet homme, ou cette femme, qui est ikhwan, donc elle est masha'Allah. La preuve, on voit nos soeurs ou là, nos frères qui vont prendre des cours chez lui ou là chez elle. Donc si elle n'était pas bien, il l'aurait boycotté. Maintenant, s'ils vont apprendre chez cette personne, c'est qu'elle est masha'Allah. Donc puisque toi tu vas aller, pourquoi? X et Y et moi et mon voisin, etc., qui sont salafis, pourquoi on va pas aller comme toi? Donc on va tous aller chez cette personne. Et troisièmement, ça fait induire la personne en erreur. La personne qui est des ikhwan, elle va dire, donc je suis mashallah. Regardez comment les salafis eux-mêmes reconnaissent et viennent apprendre chez moi. Reconnaissent que j'ai du ilm et viennent apprendre chez moi. Ensuite, quatrièmement, pour terminer, sachez, barakallahu fikoum, que ilm al-tajwid n'est pas obligatoire. Ilm al-tajwid n'est pas obligatoire. Si tu n'apprends pas le tajwid, tu n'auras pas de péché au Qiyamah. Il suffit juste de bien connaître al-Fatiha et de la lire convenablement, c'est tout. Naam. Tafadhal, inshallah, pour les autres questions. Non, monsieur, donc je voulais les 5 dernières questions, Inch'Allah, car il est 23h16 ici et 22h16 chez vous, en Algérie. Bismillah, wa salat wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah ya Cheikh. Les parents, frères ou sœurs, héritent-ils d'une sœur décédée, mariée, laissant des biens, ayant un fils et une fille? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Qu'Allah Ta'ala vous récompense de ses bienfaits et vous accorde son paradis. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadilat al-Sheikh, Ahsan Allahu ilaykum. Quand un frère prie avec des sœurs, n'ont-ils le mahram? Doit-elle le corriger s'il se trompe dans un verset en parlant? Jazakumullah khairan, wa hibbukum fillah. Question suivante. Salam alaikum, Sheikh. Est-il permis de castrer son chat dans le but de limiter la propagation d'un trop grand nombre de chats dans le quartier? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum ya Cheikh. Hayakum Allah. Ma femme. Non, cette question a déjà été posée. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh, uhibbukum fillah. Vous, les admins, ainsi que tous les salafs. Ma femme veut aller à un mariage dans une grande salle où il y aura de la mixité, de la musique, un DJ, des femmes qui danseront sur la piste devant les hommes, ses cousins qui lui feront la bise ou lui serreront la main, etc. Je lui ai interdit et je lui ai dit, si tu y vas, je te divorce. Mais il n'y a pas de question. Elle se termine comme ça, cette question. Donc je ne sais pas ce que le frère veut savoir. Inch'Allah. Donc moi, elle se termine comme ça, cette question. S'il y a encore quelque chose, que ce frère donne la fin de la question au frère Ta'amallah. Barakallahu fikoum. Question suivante. Si je meurs en France et que je suis rapatrié au pays avec le cercueil, avant de m'enterrer, doivent-ils casser le cercueil et m'enterrer à même le sol? Ou bien le cercueil ne pose pas problème? Lorsqu'une femme lave son époux défunt, peut-elle être aidée par un de ses maharim, ou bien doit-elle procéder seule au lavage mortuaire? Si le défunt était polygame, les deux femmes peuvent-elles procéder au lavage, ou bien seulement L'une d'entre elles peut le faire. Et cher, il y a une personne qui a demandé si elle pouvait avoir l'adresse mail pour poser une question qui est un peu personnelle. Voilà, donc c'est à vous de me donner l'accord pour que je donne l'adresse. Tfadal, cher. Donc, Samart, je n'avais pas entendu la première question. Ça, c'est d'une part. Et la cinquième question, quand tu parlais de lavage mortuaire, etc., qu'est-ce que tu as dit exactement? Qu'est-ce que tu as dit en ce qui concerne avec le cercueil? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la cinquième question avant de parler du cercueil? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ou là, juste après? Donc je vous relis la première, Inch'Allah. Les parents, frères ou sœurs, héritent-ils d'une sœur décédée, mariée, laissant des biens, ayant un fils et une fille? Barakallahu fikoum. Donc vis-à-vis de l'héritage d'une sœur qui était mariée, une sœur qui est, non, je vais reformuler, cher. Une sœur qui est mariée et qui a des enfants, si elle meurt, est-ce que l'héritage part à ses enfants, à son mari, ou est-ce qu'il y a même ses parents, ses frères et sœurs qui héritent d'elle? Comment se passe le partage de l'héritage d'une sœur qui est mariée et qui a des enfants? Et sur la dernière question, si je meurs en France et que je suis rapatrié au pays avec le cercueil, avant de m'enterrer, doivent-ils casser le cercueil et m'enterrer à même le sol, donc sans le cercueil? Ou bien le cercueil ne pose pas problème? Et lorsqu'une femme lave son époux défunt, peut-elle être aidée par un mahram ou bien doit-elle procéder seule au lavage mortuaire? Et dans le cas où ce mari était polygame, est-ce que les deux femmes peuvent procéder au lavage ou bien seulement l'une d'entre elles peut le faire? Tfadal, cher. On va commencer, Inch'Allah, par la dernière pour ne pas l'écrire. Être enterré dans un cercueil ne fait pas partie des rites des musulmans. Non. Enterrer quelqu'un dans un cercueil, c'est le rite des chrétiens. Non. Donc, nous, si on est obligé en islam de ne pas ressembler aux chrétiens, aux juifs, ni dans l'habillement, ni dans la façon de se coiffer, ni dans les adorations, ni, alors ça rentre aussi qu'on ne doit pas yani, le ressembler dans leurs habitudes d'enterrer. Donc, Inch'Allah ta'ala, on le fait sortir du cercueil pour l'enterrer. Maintenant, si pour le lavage mortuaire, etc., pour celui qui a, moi aussi pour celui qui a dit, d'ailleurs je l'ai noté ici, car tout à l'heure quelqu'un avait dit qu'il m'aimait en Allah. J'ai oublié de lui répondre. Je dis à la personne de tout à l'heure, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer en lui, comme tu m'as aimé en lui. Et je dis aussi à cette personne, idem, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Pour le lavage mortuaire, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ne rentre que la personne qui a besoin, dont on a besoin pour laver le mort. Si la personne ne suffit pas, elle fait appel à une deuxième personne. Si deux ne suffisent pas, ils font appel à une troisième personne. C'est-à-dire que la règle dit que ne rentre avec le mort que les personnes qui ont une fonction à faire. En principe, une seule personne ne peut pas laver un mort. C'est impossible. C'est vraiment difficile. Il faut être au moins deux. Mais les gens qui n'ont rien à voir ne rentrent pas. C'est-à-dire que quelqu'un va dire, je rentre juste pour voir. Je rentre juste pour. Allahu alam, peut-être, je dis peut-être, si jamais une personne rentrait pour apprendre et propager ensuite et comment on lave le mort, etc. Sinon, personne ne rentre si on n'a pas besoin de lui. Maintenant, si quelqu'un est polygame, bien sûr, deux de ses femmes, par exemple, peuvent rentrer pour yani, le laver de Ta'ala. Si j'ai oublié quelque chose à propos du lavage ou de cette question, vous me reprenez, Inch'Allah Ta'ala. Pour l'héritage, la première question. Quand une sœur meurt, elle a des frères et sœurs et elle a des enfants. Seuls ses enfants à elle et ses parents ont le droit d'hériter. Quant à ses frères à elle et ses sœurs n'ont pas le droit d'hériter. Non, n'ont pas le droit d'hériter. Seuls ses parents, père et mère, et enfants. Ses enfants ont le droit de l'hériter d'après yani, ce qu'il y a dans le Coran, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Pour la sœur, c'est écrit pour non. Maintenant, quand quelqu'un prie à la maison avec par exemple ses sœurs, c'est lui qui les guide, il est donc leur mahram. Ou bien quelqu'un prie avec sa femme, par exemple. Est-ce que vous m'entendez, musulman? Et que pendant la prière, il s'est trompé. Et que pendant la prière, il s'est trompé. Est-ce que, s'il se trompe, elle va claquer des mains? Ou bien elle va lui corriger carrément en lui disant le verset. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, dans deux de ses livres, dans deux de ses livres, Bulugh al-Maram et Manhaj al-Sharia, il dit, si on va prendre d'après yani le sens, il dit, ce n'est pas interdit qu'elle lui parle. Parce que le hadith a dit que la femme applaudit parce que elle ne parle pas comme ça devant les gens, devant les prieurs. Il a dit, mais ça, ici, c'est sa femme, ce n'est pas une étrangère. Il a dit, donc si on va en prendre yani, le sens du hadith, il a dit, c'est permis. Il a dit, mais si on prend le hadith dans son apparence et dans sa généralité, qu'est-ce qu'il a dit le hadith? Il a dit, la femme applaudit et l'homme, non, l'homme, il dit, subhanallah, et la femme, elle claque des mains. Il a dit, donc, si on prend dans sa généralité, la femme doit dans tous les cas claquer des mains et ne pas parler. Il a dit que d'après lui, c'était l'avis le plus fort. Que même avec les mahrams, avec sa femme, elle, avec son mari, etc., il a dit de préférence, elle claque des mains, c'est mieux. C'est mieux que de parler. Wallahu ta'ala alam. Demain l'après-midi, inshallah. Abu Ibrahim, demain l'après-midi, inshallah, pas pendant la matinée. Non. Pour la personne qui a dit que à sa femme, si tu vas au mariage, etc., je te divorce. Tamala, ça fait rien. Ça fait rien pour les mails. Ça fait rien pour le mail, même quand elle est pleine la boîte, la lettre arrive. Ça passe, ça passe. Ça passe, ta'amallah. Même si tu reçois le message que c'est plein, l'autre elle est arrivée. El Mohim, je disais, pour celui qui a dit à sa femme, si tu vas au mariage, etc., tu es divorcé. Premièrement, elle n'a pas le droit d'y aller parce qu'il y a le haram. Il y a la mixité, il y a la danse, il y a la musique, tout cela. Donc si elle y va, elle est quoi? Elle va se remplir de péché. Maintenant, s'il lui dit, si tu y vas, tu es divorcé, et elle est partie au mariage, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à son mari, on va lui dire, quand tu lui as dit, si tu vas au mariage, tu es divorcé, est-ce que dans ton cœur, tu avais l'intention que justement, si elle va au mariage, je vais la divorcer, car j'ai plus envie d'elle, j'ai envie de la divorcer. Donc c'est une raison en plus, donc je la divorce. Ou bien, quand tu lui as dit cette phrase, si tu vas, je te divorce, c'était juste pour lui faire peur, pour qu'elle n'aille pas. Alors que tu n'as jamais dans la tête l'idée de la divorcer. Jamais. Pourquoi je divorce ma femme? J'aime ma femme, je suis pas pour la divorcer. Mais je lui ai dit comme ça pour qu'elle parte pas. Je me suis dit, quand elle va entendre cette phrase, elle n'est pas pour d'y aller. Mais quand même, elle est partie. Dans ce cas, elle n'est pas divorcée. Dans le premier cas, elle est divorcée. Là où il a dit, si tu vas, tu es divorcée. Et dans sa tête, dans son cœur, il voulait divorcer. Ah bon, elle est partie. Ikhlas. Donc c'est terminé entre nous. Car déjà, il voulait divorcer. Dans ce cas, elle est divorcée. Mais dans le cas où c'est juste pour faire peur. Je dis à ma femme, si tu vas chez la voisine, tu es divorcée. Alors que je ne voulais pas la divorcer pour lui faire peur. Et elle est allée chez la voisine, comme ici, elle est allée au mariage. Dans ce cas, l'avis le plus sûr de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, de Cheikh Ibn Taymiyyah, de Cheikh Al-Albani, de tous les savants, les grands savants, c'est qu'il doit nourrir 10 pauvres. ou bien les faire habiller, ou bien yani, jeûner 3 jours de kafara. C'est comme exactement lorsqu'on jure par Allah et on fait le contraire. Voilà, inshallah ta'ala, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, la réponse pour cette question. Ça y est, Tam l'a dit, le frère qui a posé la question, il écoute avec sa femme et la maman. Je ne sais pas de quelle question tu parles, Tam l'a. Je vous donne, inshallah, oui, sur le mariage, celle-là. Muslim, Muslim, je voudrais, inshallah ta'ala, que tu m'ajoutes les 5 dernières questions. 5 autres, inshallah ta'ala, on va terminer avec. Tfadlak. D'accord, cher, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, c'est vous qui décidez. Donc, les 5 dernières, Inch'Allah. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Il y a plusieurs années, quand j'avais 10 ans environ, une femme m'a fermé en bas avec un cadenas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le cadenas en ma possession. Or, je sais que tout vient d'Allah, que même si le monde entier était contre moi, mais si Allah en a décidé autrement, il ne m'arrivera rien par sa volonté et inversement. J'ai lu qu'il était bien d'utiliser des feuilles de jujubier. Or, je me trouve devant un dilemme. Étant célibataire, je ne sais pas si cela a vraiment fonctionné. Entre parenthèses, toujours par la volonté d'Allah et non des shayatines. Et je me dis, si je me lave avec les feuilles de jujubier, c'est comme si je m'avouais que cela a fonctionné alors que seul Allah sait. Et si j'attends qu'un prétendant vienne vis-à-vis d'Allah Ta'ala, je ne peux pas mentir au prétendant alors que ça pourrait faire des problèmes dans le couple. De plus, il m'a fallu un grand courage pour pardonner à cette femme donc je ne voudrais pas dévoiler afwan au prétendant qui est cette femme. De plus, je ne sais pas quoi faire du cadenas. Si je le garde, c'est comme si je me disais, c'est le cadenas mon sauveur. Qu'Allah me préserve de telles pensées, et si je le casse, c'est comme si je voulais rompre le sortilège, alors que seul Allah sait si cela a fonctionné. J'aimerais savoir, dans un cas qu'une sœur ou un frère est fermé, est-ce qu'on doit juste faire le lavage avec les feuilles de jujubier, ou doit-on faire quelque chose avec le cadenas, comme le casser, le détruire? Jazakumullah khayran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Question suivante. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, cher. Concernant les rawatib avant la prière de Dhuhr, doivent-elles se faire avant le adhan ou après l'entrée de l'heure de Dhuhr? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum, cher. Je voudrais savoir, on m'a dit qu'un enfant qui priait à la mosquée et se met en rang avec les prieuses, s'il n'a pas ses ablutions, coupe le rang de la prière. C'est écrit coûte, mais c'est coupe. Normalement, c'est coupe le rang de la prière. Ah, mais c'est tout, cher. C'est les 3 dernières questions, Inch'Allah, que j'ai. C'est les 3 dernières. Tfadal, cher. Pour l'enfant, si c'est un garçon, il doit prier avec les hommes, pas avec les femmes, si c'est un garçon. Non, même s'il n'a que 6 ans, 5 ans, etc., non, il se met, il apprend déjà à prier avec les hommes, bi'idhnillah ta'ala. Si c'est quelqu'un pour qui la salat est obligatoire, si maintenant il est sans ablution, il coupe les rangs. Non. Mais si c'est quelqu'un qui a juste 3, 4 ans, etc., et qui ne fait pas la prière convenablement, ou bien ne la fait pas du tout, ou bien il est juste là avec sa mère, etc., non, de préférence aussi qu'on ne le mette pas entre les rangs. Qu'il reste comme ça derrière nous, ou bien il est dans un coin, on lui dit reste ici, jusqu'à ce qu'on termine la salat, bi'idhnillahi ta'ala. Pour qu'il n'y ait que, dans le rang, il n'y ait que les prieurs. Qu'il n'y ait rien entre eux. Inch'Allah ta'ala. Non. Pour les rawatib avant adhan d'or, on ne doit les faire qu'après le adhan. Ou alors qu'après le moment de la salat d'or. C'est-à-dire, si ce n'est pas encore salat d'or, on ne peut pas faire les rawatib. Quand on sait que c'est salat d'or, là c'est le moment, même si on n'a pas entendu l'adhan, le muhim c'est quoi? Le muhim c'est que je suis sûr que c'est le waqt, le moment de salat d'or. Pour tout à l'heure, j'avais oublié une question sur castrer le chat. Castrer le chat. Non. Les savants disent que la castration en général est interdite, surtout chez les êtres humains. Mais pour les animaux, les savants ont dit la castration est permise quand c'est pour le bien de l'animal ou bien le bien de l'être humain. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'Aïd, qu'est-ce qu'il faisait? Il égorgeait deux moutons. Comment qu'ils étaient les moutons? Ils étaient castrés. Ils égorgeaient deux moutons castrés. Pourquoi castrés? Car le mouton, quand il est castré, il est plus fort qu'un mouton qui n'est pas castré, d'un côté. Bon, d'un côté, il est plus fort, et de l'autre, sa viande est beaucoup plus, comment on dit, délicieuse, si je puis dire. Nam. Car celui qui est castré, nam, comme vous savez, quand on castre un animal, yani, il ne fait plus, yani, il ne perd plus sa force, puisque, yani, il n'y a plus l'eau qui sort de lui quand il fait le rapport. Donc c'est pour ça que il devient plus fort et que sa viande devient plus délicieuse. Reste à savoir, est-ce que le fait, yani, que le chat donne beaucoup d'autres chats, etc., est-ce que c'est permis de le castrer ou pas? Ça renverse un peu la question pour dire que moi aussi, j'ai une chatte qui fait des problèmes. Donc moi aussi, je pense, est-ce que c'est permis de lui enlever des ovaires ou quelque chose comme ça, pour qu'elle donne plus de bébé chat. Non. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris la décision finale. C'est pour ça que Annie, je ne peux pas répondre d'une façon catégorique à la personne qui a posé cette question jusqu'à ce que je prenne une position. Bi-idhnillahi ta'ala. Qu'est-ce qu'il reste comme question? Chéri, un frère qui veut votre numéro, mais si tu veux, apparemment, que dois-je lui répondre? Donne-lui le numéro, donne-lui l'osmo. Donne-lui le mail. Donne-lui le mail, bi-idhnillahi ta'ala. Quant à la dernière question sur le cadenas, la sœur, bi-idhnillahi ta'ala, si elle a des doutes, ne perd rien, que dès maintenant, qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse osmo, qu'elle fasse le rosl, etc., avec le jujubier ou le cidre, etc. Qu'est-ce qu'elle perd, elle, quand elle fait le rosl avec le jujubier? Si jamais elle a quelque chose, pour qu'au moins la chose parte dès maintenant. Ensuite, il faut pas croire que ce sont des choses, yani, simples. Non, la sorcellerie, non, c'est une chose, yani, très difficile et qui peut affecter la personne et affecter le couple et faire mille et un problèmes. Je connais une personne, comme ça, une sœur aussi, et mashallah, qui, on lui a fait la même chose avec le cadenas, pour que, yani, elle ne puisse rien faire avec son mari. Et en fait, quand elle s'est mariée, elle n'a rien pu faire avec son mari. Elle a fait mille et une ruqya. Elle a fait mille et une ruqya. Nam, jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Elle est allée même chez le gynécologue, femme, qui a essayé de lui faire une ou deux opérations au niveau de ses parties intimes pour qu'elle puisse faire ce que fait l'épouse avec son époux. Elle n'a pas pu. Elle lui a dit, il y a comme du fer. Non, il y a du fer à l'intérieur. C'est comme un rideau de fer. S'il y a un rideau de fer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Deux fois, elle a essayé de faire l'opération, ça n'a rien donné. Et malgré cela, bien sûr, vous allez vous étonner, malgré cela, elle accouche. Et elle a des enfants. Elle accouche et elle a des enfants. Mais son mari, vraiment, yani, il souffre et yani, il ne peut rien faire du tout. C'est comme si, comme j'ai dit, il était en face d'un mur. Comme il était en face d'un mur. Donc, il ne faut pas jouer et dire que c'est pas grave, etc. Il faut dès maintenant, au moins, yani, essayer de trouver la solution bidna et le cadenas, si c'est possible, yani, comment bidna en lisant sur lui, etc. Comment l'ouvrir? Car tout est dans, yani, le fait qu'il soit fermé. Si la chose a marché, Le fait qu'il soit fermé, la sœur restera toujours fermée. C'est voir comment l'ouvrir en lisant être écossais, en lisant des doigts et des choses comme ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala, on va se rencontrer, inshallah ta'ala, mercredi, bi-idhnillah subhanahu wa azzawajal. D'ici mercredi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous préserver, nous préserver et yani, nous aider à l'adorer avec ikhlas et avec humilité et khushu' bi-idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل الله سبحانه وتعالى بيحفظك السلام عليكم